fly, je fly. Je fais des rimes, j'ai que ça à faire. Mon frère, les affaires, j'ai plus le goût en faire, c'est l'enfer. Entre deux rimes, je vous la pète. L'instru est impec, le flow la même, c'est du matec. Andec, les flics tournent comme les tasses, comme les substances de masse qui arrivent en masse. Wesh la oui, comme à l'ancienne, c'est freestyle. Mais sauf que Al, plus d'expérience, c'est Al au cousin. Les talents cachés, je déclenche, m'en bats les couilles de faire kiffer. Moi, je viens juste pour foutre l'ambiance, qu'est-ce t'en penses? Mais qu'est-ce qui se passe dans la place? Tout le monde dort ou quoi? Vaut mieux que tout le monde se tabasse là-bas, c'est bien lourd. C'est du gangsta pour les roues en full fire. Fire, c'est le 5-3-4, donc sors ton zoula. Quête la tech, à tech ma Belek, dès que ma taille est vide, je ressors de la vodka ou un paga. Pop, pop, c'est la fête, c'est la fête. Pop, pop, pète ta bouteille, ton plaid. Pop, pop, c'est la weed et ma taille. Pop, pop, c'est la ouest du nord-est. Pop, pop, c'est la fête, c'est la fête. Pop, pop, pète ta bouteille, ton plaid. Pop, pop, c'est la weed et ma taille. Pop, pop, c'est la ouest du nord-est. Appuie sur play et c'est bon, vas-y danse. 54.400, c'est la bonne fréquence. Ici on demande quelques minutes de silence. On prend le micro et on lui met une séance. Mathé, qu'est-ce que t'es prêt, enregistre la séquence. Sur un son entraînant au bout de vacances. On mise sur le rap pour prendre de l'avance. Mais comme au loto, ça va dépendre de la chance. Et si un jour t'entends ce son en discothèque, profites-en pour frotter le bout de cette schneck qui depuis tout à l'heure se recherche un énième mec pour voyager à bord de l'avion R7e siècle. C'est un rap français avec une touche de Maghreb. Destiné à avancer, personne ne m'arrête. Ni la ligne d'arrivée, ni la loi, ni la règle de ce jeu de rimes que je gère, que je gère. Pop, pop, c'est la fête, c'est la fête. Pop, pop, pète ta bouteille, ton plaid. Pop, pop, c'est la weed et ma tête. Pop, pop, c'est la ouest du nord-est. Pop, pop, c'est la fête, c'est la fête. Pop, pop, pète ta bouteille, ton plaid. Pop, pop, c'est la weed et ma tête. Pop, pop, c'est la ouest du nord-est. Pop, pop, c'est la fête, c'est la fête. Pop, pop, pète ta bouteille, ton plaid. Pop, pop, c'est la weed et ma tête. Pop, pop, c'est la ouest du nord-est.